chez Dolbo Auto. Le mois d'août, c'est le mois du camion avec le Silverado 1500 à cabine multiple. Financement à 0% sur 72 mois, plus 2 900 $ en remise au comptant à la livraison. Ou encore le Colorado 2019 à 1,99% pendant 60 mois, plus 1 250 $ en crédit total de financement. Profitez des rabais préférentiels aux membres Costco admissibles. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 276-0580. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. La semaine dernière, c'était la Coupe Rogers à Montréal. Et la Coupe Rogers qui honorait des bénévoles qui ont œuvré pour le développement du tennis. Et ça me fait plaisir d'accueillir le père de Caroline Delisle, qui est notre collaboratrice de tennis, M. Jean Delisle, qui a œuvré pendant 50 ans au Saguenay du côté du bénévolat dans le monde du tennis. Et il s'est fait honorer vendredi dernier. On lui parle. Bonjour, M. Delisle. Oui, bonjour. Monsieur Delisle, si on parlait un peu de votre hommage, comment vous avez trouvé ça? Bah, écoutez, c'est sûr que lorsqu'on m'a fait savoir qu'on allait être honoré, c'est sûr que sur le coup, j'ai fait le saut un peu, là. C'est quand même pas... C'est plus que régional, alors... on en revient, puis... On m'a expliqué que je le méritais. Alors, il faut croire que... Mais ça doit faire plaisir, pareil, ils avaient certaines raisons. Ça doit faire plaisir, à quelque part, aussi, là. Oui, c'est bien évident, là. Écoutez, ça fait longtemps que je suis dans le tennis. Pas tout seul, là, mais je pense que j'en ai fait beaucoup. OK. J'aime le tennis, je m'en cache pas. Chacun ses folies. Probablement que moi, celle-là, c'est la mienne. Si on parle un peu de votre carrière, 50 ans, donc c'est vous qui avez développé le club de tennis Saguenay, c'est bien ça? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Ça a commencé bien avant ça. J'avais peut-être 25-30 ans. Alors, j'ai commencé à m'impliquer. En fait, ça s'est passé... plus officiellement quand le championnat régional qui se tenait à Chicoutimi à côté de l'hôtel de ville alors ça s'est tenu là pendant de très nombreuses années là quand ce tournoi-là a arrêté parce que la ville voulait avoir le terrain là, pour le service incendie je pense là puis et là il n'y avait plus rien. OK. Alors, avec plusieurs de mes amis, on s'est mis à réfléchir un peu là-dessus. Et on a décidé d'organiser un tournoi qui prendrait la relève. Ça s'est appelé l'Omnium Wells. Alors, le tournoi a eu lieu pendant plusieurs années. Okay. Et les gens ont participé dès le début. Alors, ça a été une continuation, en fait... de l'ancien championnat régional. Là. OK. Puis ça n'a pas été nécessairement facile que faire ça. Mais de où ça vient cette passion du tennis, M. Delisle? Je ne sais pas. Je suis né par Alfred, juste en avant du palais municipal. À côté, il y avait des terrains de tennis. Okay. Alors, j'ai commencé à jouer comme d'autres vers 9-10 ans. Là. OK. Puis développer. Oui. Ouais, allez-y. Ouais. Puis développer le tennis à quelque part, M. Delisle, est-ce que ça a été difficile au cours au fil du temps? Bon, difficile, non, mais faut y mettre le temps. Okay. Faut trouver des gens qui y croient aussi, parce que une personne ne fait pas ça tout seul. Là. Ça prend beaucoup de bénévoles. Alors après l'Omnium Well dont je parlais, il y a eu bien d'autres choses. Il y a eu la création. De clubs de tennis intérieur. Okay. Le premier a été ce qu'on appelait le racquetball à Chicoutimi, pas loin sur Talbot, là. C'est rendu maintenant la voie Maltais qui est installée là. Alors, bien sûr que j'ai travaillé là. Okay. Bénévolement, à donner des cours avec certains de mes amis, là. Alors, on aimait ça, travailler avec les juniors. On voulait leur permettre de se développer. Oui, effectivement. Alors, plusieurs années, on les a passées là. des coachs de l'extérieur de Montréal sont venus travailler ici à Chicoutimi, André Martin en particulier, qui était une des très bonnes joueuses qui a passé au Canada. Alors, on a développé quand même des bons joueurs. Ben oui, Marie. À ce moment-là. Ben moi, je connaissais plus. Ben votre fille est allée en Australie. C'est quand même que c'était pas rien, là, quelque part, là. Moi, ouais, mais je suis pas sûr qu'elle est en Australie. US Open, excusez. C'est la seule place qu'elle n'est pas allée, je pense. OK, donc c'est le US Open, je pense qu'elle est allée au US Open. Elle est allée à Wimbledon. Elle est allée à plusieurs tournois, à Roland-Garros, à plusieurs tournois. Important, là. Alors, elle aussi était là dans les débuts, là, au club de racquetball. Après ça, ben, il y a eu le tennis à la bulle. Un peu dans les mêmes années. Là aussi, on a travaillé là. Puis, on a décidé qu'il fallait organiser des tournois juniors importants. Mm. Alors, provincial. On avait réussi à obtenir un championnat provincial. Junior, qui était couru, même si on demeurait loin. Mais on a essayé de rendre ça intéressant. On a été les premiers à offrir des bourses aux gagnants, des juniors, pour les aider un peu financièrement. Okay. Alors, ces tournois-là ont encore aidé au développement des joueurs de la région. Alors, qui pouvait se confronter avec les talents de Montréal. Même, on a même fait un championnat canadien. Ouais. Mais le summum, c'était l'organisation de la Coupe Davis. Je savais pas que la Coupe Davis était venue ici. Bah oui, ça a été quand même un gros événement. Puis il y a pas beaucoup de régions qui en ont eu des Coupes Davis. Effectivement. C'est en quelle année ça, M. Daniel, ça? Pardon? C'est en quelle année ça? Oh mon Dieu, là, les années, je suis pas fort. Là. Les années 80, à peu près. Ouais, là. Je me rappelle. Et on avait eu deux tranches de la Coupe Davis. Une première contre la Jamaïque ou les Caraïbes, là qui s'était passé à l'intérieur du centre Vézina sur des installations qui étaient vraiment pas à la hauteur. C'était tout croche. Là. Il avait mis des bandes. Les bandes, c'était pas droit. Mais il avait mis un tapis par-dessus. Alors, les joueurs avaient joué là-dessus. C'était à l'intérieur parce que c'était l'hiver. La deuxième tranche, là, ça avait été le gros show. À Rosaire-Gauthier contre le Mexique. Ça avait été un affrontement là, vraiment très serré. Ouais. Je me souviens que Stéphane Bonneau avait failli gagner. Il avait l'avance. Ouais. En fin de compte, il avait perdu son match. Mais ça a été un gros événement. C'était à l'été, c'était à l'extérieur. Puis la Coupe Davis, c'est pas pareil. Là. Les gens embarquent, là, puis ça crie. Puis ça... Ah, c'était tout un spectacle. Alors, il y a eu ça, puis après ça, ben, il y a eu, bien sûr, le Challenger Banque Nationale. Oui. Le plus récent, que les gens connaissent aujourd'hui. Oui, parce que moi, après ça, vers entre 90 et 2000, là, je me suis reposé un peu. Là. Caroline est venue travailler au club. Alors, quand le Tennis Canada a offert le Challenger Banque Nationale à Saguenay, le club avait sûrement envie de dire oui. Il cherchait quelqu'un qui accepterait de s'en occuper. OK. Alors, on l'a demandé. J'ai dit oui. Ouais, et on est là depuis ce temps-là, avec pratiquement la même équipe. On est une dizaine de personnes maintenant. Vous êtes encore dans l'organisation? Des gens qui croient au tennis beaucoup également et qui ménagent pas les efforts et leur temps pour que le tournoi soit un succès. Est-ce que... Donc, vous êtes encore dans l'organisation du Challenge Banque Nationale, même à votre âge? Oui, alors tu devrais penser que je suis vieux, toi. Là. Non, mais c'est quand même pas mal. Dites-moi. Mais non, je suis pas jeune. Écoute, ça fait 14 ans là, cette année le Challenger. Là. Mais écoute, on s'encourage, on est plusieurs. Ouais. Puis, Stéphane Bonneau, moi je me rappelle de Caroline. D'ailleurs, quand j'ai ouvert ma radio en 2008, je me cherchais une chroniqueuse de tennis. Puis tout de suite que j'ai appelé, c'est Caroline parce que je savais qu'elle avait été loin là, dans le monde du tennis. Mais ce que je me rappelle, c'est Stéphane Bonneau. Stéphane Bonneau, c'était... Du côté des hommes, là, Stéphane Bonneau, ça a été le meilleur joueur de qui a passé dans la région. Là. Est-ce qu'au Québec, c'était un des meilleurs à l'époque? C'était-tu classé dans... Stéphane? Oui, c'était dans les meilleurs au Québec, mais c'était le meilleur probablement. Puis okay. Au Canada, il était dans les meilleurs aussi. Là. Il a fait des tournois internationaux. Il l'a joué, lui, le Roger, ça s'appelait pas de même. Et il remportait des victoires contre des joueurs qui étaient très haut classés. Alors, c'était un très bon joueur. Il y en a eu un autre okay. qui venait de Dolbeau. Ah oui? Un nommé Vézina. OK. Moi, quand je l'avais vu jouer, j'avais dit lui... Comment il s'appelait? Je me souviens pas trop de son prénom. OK. Mais je sais que c'est un Vézina. Et il était très bon. OK. Je pense qu'après Bono, là... Oui, monsieur. C'est Bono. Il y a eu Bache, il y a Michel Dufour, là. Moi, ouais, c'est ça. Mais ce Vézina-là, il n'a pas joué quand même très, très longtemps. Là. OK, OK, OK. Mais il était très doué. Ah, OK. Mais je pense qu'il est parti d'ici. Il est parti à Montréal. Et puis, on n'a pas tellement entendu parler par après. Je sais pas, il a arrêté de jouer. Ah, OK, OK. Comment ça vous fait... Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir que le tennis est rendu ce qu'il est devenu avec les Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu? Tu viens de nommer deux joueuses qui ont passé ici. Bianca était ici au Challenger l'an passé. Ouais. Stéphane Bonneau, un de mes amis, a pratiqué avec lui très souvent, plusieurs années. Puis les dernières années, là, je dirais que les 5-10 dernières années, il y a eu des très bons juniors. André Carbat a passé ici, mais oui, au moins au plan mondial, mais je veux parler régional. Il y a Marie-Alexandre Leduc qui est une protégée de Caroline un peu. Oui, Alex-Antoine Marquis qui est parti pour l'université il y a 15 jours. En Alabama, je pense. Un très bon joueur. Alors, puis il y en a d'autres là, au niveau provincial qui ont été très bons. Maréchal, petit Maréchal, lui, a fait des tournois canadiens. Mais je pense que les prochaines années, ça va être plus tranquille un peu, là. C'est des vagues, hein, puis là, je pense qu'il va falloir qu'il recommence, là. Monsieur Delis, je pense que des gens comme Bianca, des gens comme Félix Auger-Aliassime vont faire que les jeunes vont devenir des modèles. Espère que ça va être des locomotives, parce que c'est comme ça, à un moment donné, que les d'autres talents se développent. Okay. Alors, c'est motivant. Puis le fait que les jeunes voient jouer les joueuses ici, les voient s'entraîner, chassent les balles avec eux autres, des fois frappent des balles avec elles, c'est motivant. Monsieur Delisle, je veux vous parler un petit peu, parce que je sais que vous êtes, Caroline est allée au US Open, est allée à Wimbledon également. Je vais vous parler plus personnel. La semaine passée, j'ai fait un entrevue avec, on parlait avec Caroline également des joueurs qui ont de la misère à avoir à arriver les centièmes au monde et ainsi de suite. Caroline s'est classée quand même assez, elle est allée à ces tournois-là, donc elle a eu besoin, j'imagine, de sous et ainsi de suite. Ça doit pas être facile pour elle. Vous avez dû faire des sacrifices quelque part? Non, c'est difficile jusqu'au moment où tu réussis à être reconnu par Tennis Canada. OK. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas les... programme d'entraînement. Ouais. Puis, mais avant ça, il faut que tu payes. Moi, Caroline, très jeune, à 11-12 ans, est partie en Ontario, à London, dans un club avec Pierre Lamarche. Là, elle ne disait pas un mot d'anglais. Puis, elle est partie là. Puis, elle était déjà bonne ici, c'est bien évident, là. Elle avait eu des performances. Mais André Martin, qui était ici à Chicoutimi, a dit, écoute, là, si elle veut continuer, il faut qu'elle change de place, là. À un moment donné, ça prend de la compétition. Hein, puis, alors, Pierre Lamarche, c'était un club réputé, là. Mais vous avez dû faire des sacrifices à quelque part pour que Caroline fasse ça. Parce que derrière ça, il y a des problèmes. Ce qui a aidé, c'est qu'on avait eu son enfant. OK. Et que ma femme travaillait aussi. Alors, il a fallu qu'on paye. C'est bien évident. Mais à un moment donné, quand tu deviens bon, puis que tu te classes au niveau canadien, ben là, Tennis Canada t'a fourni des coachs. Ils partent à plusieurs pour s'en aller en Europe, puis en Amérique du Sud. Puis c'est sûr que là, ça coûte un peu moins cher. Ouais, et comme bien des joueurs joueuses du Québec, du Canada, Caroline, à un moment donné, a décidé qu'elle s'en allait à l'université d'Oklahoma. Alors, avec un scholarship, okay. Alors qu'on n'a pas refusé, c'est bien évident. C'est sûr, c'est... Votre meilleur souvenir des 50 ans, ça doit être la Coupe Davis, hein? Je sais pas, le championnat junior national, là, ça avait été gros aussi. OK. En tout cas, personnellement, là, parce que pour nous autres, c'est un peu un aboutissement, tu sais. C'est nous autres vraiment qui l'organisaient, là. Okay. La Coupe Davis, c'était quand même plus... on a collaboré, mais c'était chapeauté par Tennis Canada qui a envoyé du monde ici pour s'en occuper. Ouais. Ouais. Alors non, mais c'était aussi un grand événement, c'est bien évident. Là. Okay. Ben, M. Delisle, très intéressant, ça fait fort agréable de vous jaser. Au plaisir, félicitations pour votre bel hommage. Et on continue à parler avec Caroline dès que les tournois du Grand Chelem et l'actualité du tennis le demande. Parfait, alors venez-vous pas, on est là pour vous renseigner. Voilà, Jean Delisle, le père de Caroline Delisle, notre collaboratrice. M. Delisle qui a été honoré la semaine dernière lors de la Coupe Rogers pour ses 50 ans de bénévolat.